c'est reparti pour un tour. Mercredi est sorti en salle le 8e épisode de la saga Star Wars, 40 ans après la sortie du premier film réalisé par George Lucas en 1977. On prend les mêmes ingrédients et on recommence: de la force, du sabre laser, des combats de vaisseaux spatiaux, un soupçon de mystique New Wave, des méchants très méchants, le côté obscur toujours aussi attirant. La princesse Leia est devenue commandeur et a changé de coupe, mais à part ça, c'est une longévité inédite pour un space opéra qui piétine allègrement depuis le départ tout effort de vraisemblance scientifique, et pourtant rien ne nous empêchera aujourd'hui de faire de la science avec Star Wars. Star Wars, que la science soit avec toi, c'est notre programme, ou notre programme c'est pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et qui d'autre pour faire de la science avec Star Wars que le camarade Roland Lehoucq, bonjour. Bonjour. Astrophysicien au CEA, patron du festival Les Utopiales et auteur de Faire des sciences avec Star Wars, récemment réédité aux éditions du Bélial. Il va falloir le rééditer longtemps encore, Roland, au rythme des séquelles et des suites. C'est ça l'avantage de Star Wars, c'est que ça va durer longtemps, certainement, et donc moi aussi, et bientôt, riche, je serai. Et Arnaud Grimbert, bonjour. Bonjour. Du site sciencefictionarchive.com, auteur notamment de Star Wars, objet du mythe, un très beau livre que l'on conseille, c'est chez Hachette, et d'une bible génération science-fiction de Flash Gordon à Matrix, c'est chez Bragelonne, deux livres que vous avez coécrit avec Patrice Giraud. Mais avant de dégainer les sabres laser et de calculer la puissance énergétique du rayon de l'étoile de la mort, elle est à elle seule la force et le côté obscur des sciences, Darth Vader et Princesse Leia, c'est Zoé Sfès pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Le Journal des Sciences. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et l'on ouvre ce journal sur cette conférence de presse retransmise en live et en grande pompe dans le monde entier hier à 19h heure de Paris. Conférence commune de la NASA et de Google qui annonce avoir découvert deux nouvelles exoplanètes et ont mis l'accent en particulier sur l'une d'entre elles, Kepler-90i, huitième planète de son système, située dans la zone habitable de son étoile, étoile qui s'appelle Kepler-90, une naine jaune située à plus de 2500 années-lumière dans la constellation du Dragon. Une découverte réalisée par les équipes de Google en appliquant les algorithmes d'apprentissage machine, machine learning, développé par le géant américain, aux données collectées par le télescope spatial Kepler. J'ai demandé à Michel Vizeau, responsable de l'exobiologie au CNES, le Centre National d'Études Spatiales, ce qu'il avait retenu, lui, de cette annonce. Dans l'annonce qui a été faite par la NASA, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, qui est plus anecdotique, c'est le fait que l'on ait découvert maintenant un système planétaire avec 8 planètes, c'est-à-dire le même nombre de planètes que notre système solaire. Mais le plus intéressant et la raison essentielle de cette communication de la NASA était la méthode utilisée, c'est-à-dire la méthode de l'intelligence artificielle et plus précisément des systèmes neuronaux. Ce qui est intéressant, c'est que Kepler a fourni une quantité énorme de données, puisque ça a observé pendant 3 ans et demi 150 000 étoiles. À raison d'une donnée toutes les 30 minutes à peu près. Dessus, ils ont identifié 15 000 étoiles candidates avec des planètes et ils en ont publié à peu près 2500 qui ont été confirmées comme étant des étoiles possédant des planètes. Mais ils s'intéressaient bien entendu aux signaux les plus évidents. L'utilisation de l'intelligence artificielle a permis d'identifier des signaux extrêmement faibles dispersés dans un bruit lumineux extrêmement important. Pour l'instant, on est à 3700 planètes environ identifiées. Avec cela, donc, on va arriver à en découvrir encore de nombreuses nouvelles et on augmente cette zoologie des exoplanètes. Et cette zoologie des exoplanètes, elle nous informe sur trois choses différentes. Premièrement, comment se forment les systèmes solaires et est-ce que notre système solaire est commun ou est-ce qu'il est exceptionnel ? Il semble qu'il soit relativement commun, en fait, maintenant. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des planètes dans ce qu'on appelle la zone habitable ? Et est-ce que ces planètes, enfin, sont des cibles potentielles pour rechercher à identifier si elles ont une atmosphère ? Et bien sûr, si cette atmosphère peut nous donner des signes quelconque d'une activité biologique à un moment ou à un autre. Michel Vizeau du CNES, enthousiasmé donc par les perspectives que laisse espérer l'intelligence artificielle en matière de rapidité d'analyse des données, car il faut dire que les projets qui, à l'instar de Kepler, vont générer des masses de données immenses, sont déjà nombreux et qu'ils vont se multiplier, y compris au niveau européen. La mission Gaïa est déjà concernée, le télescope spatial Kéops, qui doit être placé en orbite dans les semaines qui viennent, ou l'observatoire spatial Plateau, qui doit être opérationnel en 2024, eux aussi vont multiplier les données. Alors quel rôle va jouer un géant comme Google? Certes, ces algorithmes sont dans le domaine public, tous les scientifiques peuvent théoriquement s'en emparer, mais l'annonce faite hier en grande pompe dit quelque chose des temps qui viennent pour l'astronome Vincent Coudet de Foresto, qui travaille à l'observatoire de Meudon. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la première fois qu'on utilise des méthodes qu'on appelle de machine learning ou d'intelligence artificielle pour l'analyse de données astronomiques. Et ça se fait complètement en dehors du cadre de Google. Je connais d'autres domaines dans lesquels ça se fait. Pour être honnête, j'ai été un petit peu surpris par le manque d'envergure scientifique, on va dire, de la découverte par rapport au fait qu'il y a une grande conférence de presse plénière de la NASA. Et moi, j'interprète ça comme le fait qu'il y a plutôt un message subliminal dans la conférence de presse. Ce n'est pas tant le fait qu'on ait découvert une planète de plus ou deux planètes de plus, ce qui se produit pratiquement toutes les semaines, mais plus dans le fait qu'il y a une association entre la NASA et puis une société privée. Pour Google, il y a d'une part peut-être un enjeu d'image, mais ils y trouvent aussi leur intérêt dans la mesure où ça leur permet probablement de tester leurs algorithmes sur des jeux de données intéressants d'un point de vue scientifique. C'est pas la première fois qu'une société privée se fait ce genre de choses. Tant qu'on est dans cette association-là et que cette association, ce mécénat finalement sous forme de matière grise ou de main-d'œuvre, ce mécénat apporte un plus à la recherche, moi je n'y vois pas d'inconvénient. Évidemment, le risque, c'est que cela pousse l'État à se désengager de la recherche publique en disant ben, finalement ce n'est pas très grave puisque tout cela sera repris en main par des sociétés privées. Et donc c'est là où il faut être extrêmement vigilant. Et en bref, le président américain Donald Trump a signé lundi la Space Policy Directive 1, directive sur la politique spatiale, avec un but. Les astronautes américains vont retourner sur la Lune afin de préparer une mission vers Mars. Je rappelle que la dernière fois qu'un homme a foulé le sol lunaire, c'était il y a 45 ans, en 1972. Et pendant ce temps, l'Europe s'affranchit un peu plus des GPS américains. Ce mardi, à 19h36, heure de Paris précisément, une fusée Ariane 5 a décollé depuis le centre spatial guyanais pour mettre sur orbite 4 nouveaux satellites de la constellation Galiléo, mission réalisée pour la Commission européenne et qui a pour objectif d'offrir une alternative au système existant, à savoir le GPS américain, le GLONASS russe, le Beidou Compass chinois, pour garantir l'autonomie de l'Union européenne dans le domaine de la radionavigation. Et on passe à notre deuxième sujet consacré aux thylacines, surnommées tigres de Tasmanie, qui n'a rien d'un tigre ni d'un loup. Ce marsupial carnivore, très proche du chien, en dépit du fait qu'ils ne sont pas du tout de la même branche de mammifères, s'est éteint en 1936 sur l'île de Tasmanie, après avoir été exterminé par les colons européens qui craignaient pour leurs troupeaux. Mais il se serait probablement éteint de toute façon. C'est en tout cas ce que conclut le microbiologiste Andrew Task de l'université de Melbourne, qui a séquencé le génome du thylacine à partir d'un spécimen conservé depuis 108 ans dans du formol au musée Victoria, génome qui s'est révélé très édifiant. Ce qui nous intéressait tout d'abord, c'était de mieux comprendre la structure de la population du tigre de Tasmanie à travers ce génome. Nous n'avions aucune idée de comment cette population avait pu évoluer, puisque dès notre installation, nous les Européens les avons immédiatement exterminés. Et ce que nous avons découvert, c'est que la population du thylacine a décliné drastiquement il y a peu ou prou 70 000 ans, donc beaucoup, beaucoup plus tôt dans l'histoire que nous ne le pensions. Because we really thought that the population became very isolated once it got blocked away onto Tasmania. So once that land bridge closed between the mainland and Tasmania. Nous étions certains jusque-là que c'était l'arrivée des premiers hommes en Australie et leur confinement sur l'île de Tasmanie qui les avait affaiblis. Or, on s'aperçoit là que leur population avait atteint un seuil critique bien avant cela. Certes, l'arrivée des premiers hommes sur le continent, puis des Européens, ont précipité leur extinction, mais ils n'étaient déjà plus du tout en bonne santé génétique. And in this case, we were comparing the thylacine with the dog. Par ailleurs, quand on voit deux espèces converger significativement, c'est-à-dire évoluer parallèlement jusqu'à devenir très similaires, comme c'est le cas pour le thylacine et le chien, la question clé, c'est est-ce que cette similarité se voit dans le génome? On a donc comparé tous les gènes qui codent la production de protéines chez les chiens et chez les thylacines, et il est apparu qu'ils partagent plusieurs gènes, mais bien moins qu'on ne le pensait, en tout cas pas assez pour expliquer leur grande ressemblance. Donc cela laisse penser que ces gènes qui codent la protéine ne jouent qu'un rôle assez mineur dans les instructions que donne le génome quand il s'agit de développer la morphologie d'une espèce, et que c'est l'environnement qui est déterminant pour, en quelque sorte, activer ou désactiver les gènes au cours de l'évolution. Et en bref, une équipe internationale de chercheurs réunis au sein du consortium européen ZIC Alliance a identifié pour la première fois le mécanisme responsable de la microcéphalie des fœtus qui naissent de femmes enceintes infectées par le virus Zika. Ils mettent en évidence que le virus infecte non seulement les souches neuronales du fœtus, mais aussi les cellules neuronales générées. Après infection, Zika envoie de faux signaux à la cellule qui croit alors que les protéines qu'elle synthétise pour son bon fonctionnement ont été incorrectement formées. Ces faux signaux reçus comme vrai, favorise le suicide de la cellule. Et dans notre rubrique Science improbable, cette étude publiée dans Nature Communication, qui ressemble à s'y méprendre à la base du scénario de Jurassic Park. En effet, une équipe de chercheurs espagnols a découvert en Birmanie 4 tiques parfaitement conservées dans de l'ambre vieille de 99 millions d'années. Parmi ces 4 parasites surgis du passé de la famille des tiques terribles de Dracula, l'une était gorgée de sang, l'autre avait une patte enchâssée dans une plume de dinosaure, forcément. Cette dernière est la représentante d'une espèce qui s'est éteinte, qui mesurait 1 mm et avait 8 pattes, mais pas d'œil. Alors trembler, évidemment, cette découverte fait penser au film Jurassic Park, dans lequel les chercheurs découvrent de l'ADN de dinosaures dans un moustique fossilisé dans de l'ambre. Mais ça ne sera pas pour cette fois, puisque toutes les tentatives pour extraire de l'ADN des échantillons d'ambre se sont révélées jusqu'ici infructueuses. Merci Zoé Sfez, on vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain Journal des Sciences. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il y a bien longtemps, dans une galaxie pas si lointaine que ça, finalement, on essaie dans l'imaginaire de George Lucas la saga Star Wars, initialement prévue pour être une adaptation des aventures de Flash Gordon, dont les droits étaient trop chers. George Lucas a donc commencé à développer son propre univers pour porter à l'écran, en 1977, le premier chapitre de ce qui va devenir le space opéra le plus populaire de l'histoire du cinéma, Star Wars. Donc, après une première trilogie majoritairement encensée entre 77 et 83, une deuxième prélogie qui se passe avant donc la première trilogie, si vous suivez bien, plus généralement mal aimée, celle-là entre 99 et 2005, voici donc la troisième couche, relancée après que Disney a racheté les droits de la franchise et orchestrée par J.J. Abrams, créateur de la série Lost, entre autres, qui a déjà remis un coup de jeune à la franchise Star Trek. Voici donc le deuxième opus de cette troisième trilogie qui vient de sortir avec tambour, trompette et autres raffus intergalactiques mercredi sur nos écrans. Comment expliquez-vous l'un et l'autre, Roland Lehoucq, Arnaud Grimberg, le succès hystérique, hein, le mot est assez faible encore, de cette saga en 2017, 40 ans après la sortie du premier film, Arnaud Grimberg? Je pense que ça tient d'abord à la qualité formidable des premiers films. Pour qu'un phénomène dure pendant 40 ans, il faut quand même que le phénomène, au départ, ait une force suffisante pour durer. Après, je crois que la saga est devenue une saga du moment qu'il y a eu un deuxième épisode et que ce deuxième épisode a tenu ses promesses. Le deuxième épisode de l'Empire Contre-Attaque, en l'occurrence, n'aurait pas fonctionné. Je ne suis pas sûr qu'on en parlera encore aujourd'hui, en fait. Deuxième épisode qui est peut-être même, d'ailleurs, et qui est souvent reconnu comme étant le meilleur film de la série en entier. Oui, en tout cas, au moins au niveau du premier, oui. Roland, comment vous expliquez-vous le succès de Star Wars? Je dirais que c'est une œuvre très polysémique, il y a beaucoup de sens, beaucoup de choses à voir. Elle est très bien construite, évidemment. Lucas n'a pas construit son œuvre au hasard. C'est très réfléchi, c'est inspiré de théories sur d'explications des mythes, le fameux héros aux mille visages de Campbell. Et il a construit quelque chose qui a visé peut-être dès le début à être universel et à durer. Et ça a été réussi, comme disait Arnaud, ça a été réussi dans la pratique, c'est bien de viser, mais il faut encore faut-il réussir le coup. Et du coup, les gens, les générations se suivent, puisque je pense qu'Arnaud et moi, on est la génération qui ont vu ça quand on était petits. Alors après, évidemment, ça se transmet aux générations qui suivent, aux enfants. Maintenant, pratiquement, ça pourrait être bientôt aux petits-enfants. Et donc, la saga disons, tient ses promesses. Essentiellement, le niveau moyen est quand même pas mal. Il y a eu des hauts, des très hauts. Il y a eu des moins hauts. On pourrait discuter des niveaux de tous les films. Mais enfin, au final, voilà, c'est quelque chose qui marche bien. Et puis ensuite, quand les choses marchent bien, il faut reconnaître aussi que les studios de cinéma, quand quelque chose marche bien, ils savent refaire quelque chose qui marche bien avec un truc qui a déjà bien marché, sans trop comprendre pourquoi ça a bien marché la première fois. Mais après, ils savent bien refaire. Ça, c'est le côté franchisation post-Disney. Mais un mot tout de même, Arnaud Grimbert, je le disais, disons, on va dire de façon un peu euphémistique, mais la deuxième trilogie a été généralement considérée comme relativement ratée, relativement mauvaise. C'est des films qui coûtent très cher. Normalement, ça aurait pu mettre un point d'arrêt, un point final à cette histoire. 6 films, c'est déjà pas mal. La deuxième trilogie marche pas très bien. Et pourtant, ça continue avec l'enthousiasme et là, justement, ce côté franchisation, parce qu'il y a un film qui sort par an, il y a la saga officielle, il y a ce qu'on appelle les spin-offs, les histoires à côté, dont le film Rogue One que j'ai pas encore évoqué. Comment vous expliquez que ça ait à ce point marqué l'imaginaire contemporain? Bah, d'abord, il faut quand même dire que la deuxième trilogie, même si elle a plus grand nombre, je dirais, des fans historiques, elle a quand même eu un succès considérable. La force de Star Wars, de toute façon, elle est dans son univers. Il y a une richesse visuelle, il y a une générosité de la part des gens qui font ces films, qui fait que même si vous n'appréciez pas le film, il y aura toujours quelque chose qui fait que ça vaudra les 10 euros que vous aurez payés. Donc après, c'est une affaire de goût. Ensuite, on est demandeur de toute façon, et peut-être aujourd'hui encore plus, parce que ça devient rare qu'on nous raconte des grandes histoires. Les histoires de Star Wars ont un mérite, c'est qu'elles nous donnent l'impression qu'il se passe quelque chose à l'échelle de l'univers. Et un des grands, je dirais, fondements du cinéma, c'est quand même de nous faire croire que ce qui se passe sur l'écran est important. C'est une illusion, et en l'occurrence, dans Star Wars, on a toujours réussi à nous faire croire que ce qui se passait était important. Voilà, l'avenir de l'univers est en jeu. Ce qui est intéressant, c'est que le space opéra est un genre qui est assez généralement tombé en désuétude, dans une certaine forme de ringardise, sauf, étonnamment, pour Star Wars. Oui, pour rebondir sur ce que disait Arnaud, je pense que comme c'est un univers très riche, on peut gloser dessus longuement, c'est-à-dire que beaucoup de gens essaient de réfléchir à ce qui nous est montré, d'analyser ce qui nous est montré, de voir les sources d'inspiration de Lucas, de voir les sources d'inspiration, qu'elles soient esthétiques, qu'elles soient théoriques, hein, sur la narration, mais aussi qu'elles soient scientifiques de toutes obédiences, pour les sciences dures, moi en particulier, mais d'autres aussi font ça, et puis sur les sciences humaines, sur les aspects politiques que l'on peut discuter avec, sur la philosophie de Star Wars, sur les villes dans Star Wars, sur les extraterrestres dans Star... Bref, c'est un monde riche, quel que soit le sens par lequel on le regarde, il y a un long discours à en faire, et cette multiplicité des regards, c'est un peu ce qui finalement fait les grandes œuvres, qu'elles soient cinématographiques comme Star Wars, ou les œuvres littéraires, ou les œuvres artistiques, en général, pouvoir en parler de multiples points de vue, fait réaliser que c'est une œuvre qui est très riche, très intéressante, foisonnante et qui va durer dans le temps. Mais j'aime bien un point de comparaison qui me semble intéressant et pertinent, c'est un point de comparaison avec l'autre grande saga de space opéra qui est partie, elle, de la télévision mais qui s'est déclinée au cinéma et qui perdure plus de 40 ans, même 50 ans après sa création, c'est Star Trek. On voit bien que Star Wars et Star Trek ne sont pas placés sous le même régime, ni en termes de science-fiction, ni en termes de fanatica, ou en tout cas de culture populaire. Star Trek est clairement du côté de quelque chose d'un peu plus ringard, qu'il faut revitaliser, ce qu'a essayé de faire J.J. Abrams, qui propose un univers tout aussi riche, etc. Star Wars, c'est un peu la Star Trek avec une noblesse en plus. Comment est-ce que vous expliquez, alors que finalement les univers sont les mêmes, il y a beaucoup de points de contact entre les deux univers, et ils sont pourtant pas reçus de la même façon? Comment vous l'expliquez, Arnaud Grimbert? D'abord, je dirais que le mot ringard est un mot cruel. Tout de même, il n'y a pas grand-chose de ringard dans Star Trek si on s'y plonge. Il y a plus facilement les fans de Star Trek, il y a plus facilement un univers qui est moins populaire au sens large du terme, qui a un univers plus de niche dans Star Trek que dans Star Wars. Tout ça est une histoire de goût. Star Trek est toujours très populaire aujourd'hui. On est quand même dans un univers qui compte peut-être 800 épisodes, toutes séries confondues. Ça fait quand même un nombre d'épisodes qui ont été conçus pour créer un univers d'une richesse extrême. Alors, les approches sont très différentes par rapport à Star Wars, évidemment, puisque de toute façon, Star Trek se passe dans l'avenir de l'humanité. C'est une vraie série de science-fiction. Star Wars est un peu dans le conte de fées, de toute façon. George Lucas a tout de suite placé son film dans un univers, une galaxie lointaine, très lointaine. Donc, on est dans autre chose. D'ailleurs, Roland pourra nous en parler. Star Trek s'intéresse à la science. La science et la la connaissance. Oui, c'est, il y a dans Star Trek une idée de dimension, d'exploration, de compréhension de l'univers, de rencontre avec d'autres espèces intelligentes, d'exploration vraiment au sens propre de l'univers. Alors que dans Star Wars, ça reste une histoire de famille quand même qui se passe à l'échelle cosmique et qui a des conséquences cosmiques. Mais Star Trek a vraiment l'idée d'exploration. C'est quand même une intention différente. D'ailleurs, on va vous mettre sur le fil Twitter de l'émission le lien que nous avions fait l'année dernière, l'émission que nous avions faite pour faire de la science avec Star Trek. La différence, Roland Lehoucq, selon vous, tient au fait que d'une part, on a un univers, comme vous le dites, Star Wars, qui emprunte à la mythologie, qui emprunte à beaucoup d'autres genres, qui n'est finalement qu'assez éloigné de la science-fiction, alors que de l'autre côté, on est dans un univers Star Trek qui, pour le coup, a beaucoup plus les deux pieds ancrés dans de la vraie SF et dans un vrai space opéra. Oui, dans Star Trek, il y a vraiment les aspects. Alors, dans les deux cas, par exemple, si on disait science-fiction, il y a science dedans, donc ou science-fiction, il y a le mot science dedans. Il y a des éléments scientifiques et techniques dans les deux œuvres. Mais dans le cas de Star Trek, il y a quand même l'exploration un peu de ces conséquences de ces sciences sur les humains ou sur les extraterrestres, sur les échanges, les interactions, bref, avec les êtres vivants qui fabriquent ces techniques. Et de ce point de vue-là, ça se rapproche, à mon sens, plus d'une œuvre de science-fiction où il y a à la fois une exploration vraiment, pour le coup, de l'univers. On y va en vaisseau, on voit des choses incroyable, étrange, on comprend l'univers, et en même temps, on se comprend soi-même, on en apprend sur soi en interagissant avec d'autres espèces, avec d'autres êtres, avec d'autres mondes, avec des choses curieuses jamais vues, on se comprend soi-même. Donc il y a vraiment cette idée d'exploration, d'essayer de, disons, comprendre le réel, et ce réel qui est à la fois produit par les humains, ou par les extraterrestres aussi, bien sûr, toutes ces espèces qui se mélangent dans les deux œuvres, et qui est analysé par les humains et qui rétroagit sur eux. Donc il y a cet aspect-là très fort, je trouve, dans Star Trek, et qui est moins sensible dans Star Wars. Les aspects techniques de Star Wars sont là, disons, pour le décor. On est, il y a très longtemps, dans une lointaine galaxie, et en même temps, les choses que l'on nous montre, pour nous en tout cas, sont au-delà de nos moyens, sont futures, et sont les placerait plutôt dans un futur lointain. Donc il y a quand même cette différence que je trouverais entre Star Trek et Star Wars. Il y a un débat vieux comme peut-être pas la galaxie ou le monde, mais en tout cas comme Star Wars. Arnaud Grimbert, est-ce que Star Wars est de la science-fiction ou est-ce que c'est de la fantasy ? George Lucas n'était pas tout à fait clair là-dessus. Hein. Moi, je pense que c'est de la science-fiction. Oui, vous avez parlé de space opéra. On est dans un genre de science-fiction né dans les années 50 ou même peut-être qu'on peut placer Flash Gordon avant-guerre dans space opéra aussi. Tout est permis. Donc après, j'ai envie de dire que la science-fiction peut d'ailleurs se limiter à n'être que le décor. Du moment qu'on est dans l'espace sur des planètes lointaines, on est dans la science-fiction. Après, l'histoire qu'on raconte, de toute façon, voilà, ce sont toujours des histoires de personnages. On peut faire plus belle la vie dans l'espace, ça deviendra de la science-fiction. Hein. Une question tout de même sur les origines de cette saga, et puis on va venir à l'aspect plus proprement scientifique. Effectivement, au départ, alors, on va voir que George Lucas dit avoir été inspiré par quelques réflexions, notamment autour de la force, sur la mécanique quantique, on y reviendra tout à l'heure, mais néanmoins, Roland Lehoucq, Star Wars se place vraiment choisi, prend la décision de piétiner assez allègrement toute tentative de vraisemblance scientifique. Oui, c'est pas important. Enfin, pour le déroulement de l'histoire, c'est pas très important. Ils produisent des éléments techniques qui sont nécessaires à la narration. Les Jedi se parlent l'un l'autre, ils sont distants d'une galaxie entière, et ils se parlent l'un l'autre instantanément comme si de rien n'était. Bon, ils ont besoin, évidemment, quand vous allez secourir vos amis sur une planète lointaine, si vous respectez les lois de la science, ils risquent d'attendre assez longtemps avant que vous arriviez. Bon, ben, on prend l'hyperespace, on va plus vite que la lumière, on se débrouille, c'est pas un problème, ça, de toute façon. Dans ce cas-là, la science-fiction s'embarrasse pas des détails techniques. La science-fiction qui me paraît, moi, la plus intéressante, c'est celle où, certes, on ne s'embarrasse pas des détails techniques, mais on se pose des questions sur les conséquences de ces détails techniques. Le clonage humain est possible, ça se vend, ça vaut une somme que beaucoup de gens peuvent payer. Par exemple, je ne sais pas, mettons 100 000 euros. Ce n'est pas gratuit, mais beaucoup de gens pourraient se payer ce genre de choses. C'est quoi le monde dans lequel on vit? C'est ça la question intéressante. C'est pas tellement le clonage humain est possible ou pas. À la limite, ils l'inventent pas, c'est pas grave, ils font ce qu'il faut. Pensons par exemple au meilleur des mondes, Huxley, là, pour une œuvre où les humains manipulés génétiquement et qui sont élevés ou dont les embryons croisent dans des utérus artificiels. À l'époque, on sait faire ni l'un ni l'autre. Maintenant, on a des embryons, si j'ose dire, d'utérus artificiel pour les brebis. On sait faire des manipulations génétiques. Ça donne une réalité tangible à ce que Huxley propose. Mais son but n'était pas d'inventer une sorte de technique qui n'était pas importante en tant que telle, qui était importante pour les questions que ça posait socialement, politiquement, culturellement et du point de vue civilisationnel. c'est quoi le monde dans lequel on vit si on est capable d'élever les humains dans des utérus artificiels et de les manipuler génétiquement pendant leur croissance. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui est la science-fiction la plus pure, enfin, si on sait que ça a un sens, mais enfin, qui, moi, en tout cas, me paraît la plus intéressante, c'est d'examiner les conséquences des sciences et techniques sur les humains. Et du coup, Star Wars... Ne le fait pas du tout. Ne le fait pas du tout. Bon, donc, ça reste un divertissement. La science-fiction, c'est aussi un divertissement. Star Wars ne le fait pas du tout. Et comme la science-fiction ne s'embarrasse pas toujours des détails techniques, ils ont besoin d'un objet, ils le font. Parfois, quand on peut le rendre plausible, faisons-le plausible. Quand on ne peut pas, ben, on prend ce dont on a besoin et on y va. Ce qui est intéressant, c'est que Star Wars sort en 77 à un moment donné où précisément la science-fiction va commencer à acquérir un autre visage, où des réalisateurs au cinéma, en littérature, vont essayer d'ancrer la science-fiction dans quelque chose de plus en plus vraisemblable, de plus en plus réaliste. On peut citer, même si ce sont deux balises un peu éloignées qui n'ont pas grand-chose à voir, mais Alien qui sort 2 ans après Star Wars, qui montre un univers de science-fiction sale, réaliste, de prolétaire de l'espace en quelque sorte, qui est très ancré dans un sentiment de réel, même si c'est de la science-fiction des fantastiques, ou de l'autre côté, même le 2001 de Kubrick, d'une certaine façon, est une science-fiction réaliste. Arnaud Grimbert. Oui, et puis ce qu'il y avait, en fait, le film qui avait suivi tout de suite Star Wars, c'est Rencontre du troisième type. Les deux films avaient même. Ils sont sortis la même année en France. Ah, ils sont sortis à quelques mois d'intervalle. Et j'ai envie de dire, ils se sont nourris l'un l'autre. Ce sont des approches de la science-fiction très différentes, mais ils ont nourri l'imaginaire d'un public jeune qui était demandeur. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut dire aussi que cette explosion de ce cinéma d'imaginaire, elle est due aussi au fait qu'il y a de la science derrière la caméra. C'est-à-dire que tout à coup, ces créateurs qui ont envie de raconter ces histoires se sont appuyés et ont poussé des technologies qui ont permis de produire des images réalistes de ce qu'ils imaginaient. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Bon, Kubrick l'avait fait dans des conditions très particulières, avec des moyens que personne n'avait et qui sont très rares. Mais là, sur des moyens, je dirais, plus limités, notamment pour Star Wars, l'imagination s'est déployée dans tous les sens. Et la science du cinéma, notamment tout ce qui concerne l'optique, de toute façon, puisque les effets spéciaux, c'est d'abord ça, a permis de réaliser les images rêvées par Lucas. Pourquoi donc, Roland Le Houx, vouloir à tout prix, dans ces conditions-là, faire de la science avec Star Wars ? Eh bien, parce que d'abord, il y a des éléments de science et technique, donc on peut se poser légitimement la question de est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas ? La réponse est souvent non, donc si on s'en arrête là, évidemment, c'est un peu cruel pour l'œuvre, et puis c'est pas très intéressant. Mais on peut aussi, et c'est ça que j'essaie de faire, de promouvoir, c'est on peut aussi mener une enquête scientifique sur ce monde, on peut... Imaginez que Star Wars, ou en général les œuvres de fiction, de science-fiction cinématographique ou littéraire, sont une manière de documentaire qui montre quelque chose de réaliste, de réel même, de réel, et on essaie de tirer de l'information sur ce qui nous est montré. Par exemple, quelle est la puissance d'un sabre laser, la taille de l'étoile de la mort, ou je ne sais pas moi, la gravité sur Dagobah. Et donc, ce genre de questions, on a aussi le droit de se les poser, et quand on y répond, ça permet à la fois... Évidemment, de se rendre compte que ce que nous est montré n'est probablement pas cohérent avec la science que nous connaissons, mais en même temps, de pratiquer les sciences, ça veut dire de mener un raisonnement scientifique et de réaliser à quel point c'est difficile, pas tant pour des problèmes de connaissances, bien sûr, il faut avoir des connaissances, mais c'est aussi pour des problèmes de raisonnement, d'élaboration d'un raisonnement qui vous mène là où vous voulez aller. Quand vous vous posez la question, quelle est la puissance d'un sabre laser ? Voici les DVD de la saga, regardez-les, puis après, vous avez une heure pour répondre à la question. Voilà un examen qui pourrait être amusant. C'est pas facile, la question est pas facile. C'est quelle scène vais-je choisir? Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? La réponse, évidemment, n'est pas donnée explicitement dans l'œuvre. Il y a personne qui vous dit, ah, je prends mon sabre laser de 10 mégawatts et je vais te couper en morceaux. Et donc, il faut élaborer tout le chemin intellectuel qui mène de la question initiale à une réponse plausible, cohérente entre ce que vous savez d'ici et maintenant et ce que vous voyez de l'œuvre. Et c'est là où c'est intéressant, méthodologiquement, pour comprendre le fonctionnement d'un cerveau scientifique. C'est vrai pour les cerveaux scientifiques, c'est vrai aussi pour les sciences humaines et sociales, puisque Star Wars a inspiré un certain nombre de livres, de philosophie, de psychologie, où on réfléchit. Comment vous expliquez cette volonté, Arnaud Grimbert, d'aller puiser dans cette saga des prismes de lecture de l'actualité, encore une fois, de la philosophie, bref. Tout à l'heure, vous parliez de Star Trek et de Star Wars. Star Trek, il est dans la connaissance de la science. La seule quête de la connaissance dans Star Wars, dans ses meilleurs moments, c'est une quête de la connaissance de soi-même. Et par une certaine philosophie, une certaine sagesse. Voilà, quand c'est réussi, c'est formidable. Quand ça l'est pas, comme toute chose, ça peut devenir ringard. Donc je pense que voilà, Star Wars est dans la mythologie, Star Trek parle finalement d'aujourd'hui. C'est toujours, si vous regardez les épisodes de Star Trek, il est toujours question de, en fait, d'aujourd'hui, mais c'est déguisé. Et on fait passer des messages de manière déguisée. Alors Star Wars, j'ai envie de dire, il y a une dimension de rêve, il y a une dimension de, c'est le même rôle que ce que tenait la mythologie qu'on enseignait encore au 19e siècle dans les écoles. Voilà. Oui, moi, c'est vrai que je reviens sur les rapports qu'on peut entretenir quand on dit, disons, scientifique au sens large, hein, que ce soit les sciences humaines ou les sciences expérimentales. Le regard qu'on peut avoir dessus, l'intérêt qu'on peut y avoir, c'est la grande richesse de l'œuvre. Donc, de dire qu'on peut la lire de multiples façons, par la philosophie, on l'a dit, la philosophie, la sociologie, la politique, la physique, un peu de chimie, il n'y a pas tellement de mathématiques. Non, il n'y a pas tellement de mathématiques. Mais beaucoup de physique et de biologie, bien sûr, qui nous intéresse. Donc, l'idée, c'est aussi, puisque c'est quand même une des émanations de ce qu'on appelle maintenant la culture geek, c'est l'idée de hacker littéralement Star Wars et de transformer Star Wars en un truc qui n'est pas prévu pour. C'est prévu pour divertir les gens et pour raconter une belle histoire et éventuellement pour faire une mécanique commerciale particulièrement satisfaisante. Mais on en fait un autre truc, indépendamment de Lucas. Quand je fais mes analyses scientifiques ou quand d'autres font des analyses, disons, scientifiques de l'œuvre, ce que Lucas a réellement voulu y mettre ou pas, à la limite, importe peu. Ce qui est intéressant, c'est ce que l'on peut y lire et comment on peut utiliser l'œuvre comme prétexte pour parler de différentes disciplines qui passionnent l'intellect humain. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, R2D2 vient de nous dire dans son langage que nous avons donc hacké Star Wars avec Roland Lehoucq et Arnaud Grimbert. On va tenter de faire un peu de science ou essayer d'injecter de la science dans cet univers mythologique. Peut-être qu'on peut commencer simplement par dire ce qui est totalement impossible, même si on essaye de tordre le cou et de hacker Star Wars comme on peut. Roland Lehoucq, il y a des choses qu'on n'expliquera pas, par exemple les explosions dans l'espace. Oui, les explosions dans l'espace, on peut. Il suffit de mettre le feu dans un endroit qui est, il y a de la combustion et du dioxygène, un carburant et un comburant, un oxydant et un réducteur, et ça va exploser. Non, ce qui peut par contre poser question, c'est le bruit qu'on entend. Alors, il y a deux solutions. On peut dire d'abord, faire remarquer que dans l'espace, c'est vide, essentiellement vide, et que le son se propage dans la matière, que ce soit l'air, la matière solide, liquide, toute matière, le son se propage. Dans le vide, non. Alors, on pourrait dire, oh là là, ils sont pas bien, on entend des bruits d'explosion. Bon, ça, c'est une première solution. Mais après, on peut se dire, oh oui, quand même, il y a du bruit, on entend du bruit. Donc, est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution, disons, bienveillante et satisfaisante pour rendre compte de ce que l'on perçoit quand on est dans la salle et qu'il y a une explosion et qu'on entend du bruit? Alors, ces explosions, il faut réaliser qu'on les perçoit souvent de l'intérieur d'un autre vaisseau. Bon, d'une part. Et que ça peut se passer, par exemple, dans un combat entre vaisseaux. Alors, imaginez-vous maintenant dans une autre situation un peu symétrique, vous êtes sur un bateau au XVIIIe siècle, dans un combat naval, vous êtes un marin de base, et il n'y a pas besoin de vous expliquer longtemps que c'est en train de chauffer. Il y a du bruit, ça fume, ça sent la poudre, bref, ça chauffe et vous vous bougez les fesses pour aller au canon, sortir les armes, faire quelque chose. Dans un vaisseau spatial, le bruit n'étant pas perceptible, parce que faute de matière pour la propagation, vous pourriez imaginer que dans le vaisseau, il y a une manière de simulation de l'intensité du combat extérieur par des moyens, une banque de sons d'explosion. Exactement, il y a une sorte de banque de sons d'explosion qui va vous rendre compte pour que les personnages dans le vaisseau disent ouh là là là là, ça chauffe, c'est un combat intense, sinon vous ne percevrez rien, vous êtes à l'intérieur de votre cocon et vous ne percevez rien. Et donc c'est un message d'alerte en quelque sorte, comme les véhicules électriques aujourd'hui auxquels on ajoute des bruits pour que les piétons puissent les entendre. Donc là on pourrait dire d'une autre façon, rendre plausible les choses en étant bienveillant, voilà l'action. OK, on dit on n'entend pas le son, mais en fait, c'est parce qu'il y a un système de simulation dans le vaisseau. Ce qui n'est pas dans l'œuvre, ce que Lucas n'a peut-être pas imaginé, mais on s'en moque, moi ça ne m'intéresse pas, c'est essayons de rendre l'œuvre cohérente avec ce qu'on sait de la physique, cohérente avec ce que je vois, c'est cette chose est réelle, c'est mes sensations réelles, et ce que je sais du monde physique actuel. Les rayons laser, entre les combats aux rayons laser, bleu, jaune, rouge, vert, entre les vaisseaux, dans l'espace? Oui, pourquoi pas, on peut se tirer dessus à coups de laser. Alors évidemment, les lasers, on voit les bouts de laser avancer. Voilà. Alors évidemment, à 300 000 km par seconde, je peux vous dire, la lumière qui avance à cette vitesse-là, vous risquez pas de voir avancer le faisceau lumineux. Mais pourquoi pas se tirer dessus à coups de laser. Après tout, la lumière, c'est une forme d'énergie. Quand vous voulez désinguer votre adversaire, essentiellement, vous essayez de projeter vers lui beaucoup d'énergie en pas beaucoup de temps, ce qui veut dire beaucoup de puissance. Et ça, vous pouvez le faire de mille façons, en lui massant un boulet, une balle, un obus, une fusée, une torpille à protons, un laser ultra puissant, enfin ce que vous voulez, qui va lui mettre beaucoup d'énergie en pas beaucoup de temps. Arnaud Grimbert, un mot sur ce qui vous semble, vous, impossible dans Star Wars et qui, malgré tout, peut-être trouver une explication scientifique? Oh, alors, je ne suis pas scientifique. Cela dit, il me semble effectivement que détruire une planète à partir d'une station spatiale ne demanderait tellement d'énergie que ça semble assez improbable. On va y venir. mais le premier élément qui vous a gratouillé la matière grise, Roland Le Houx, et auquel vous avez tenté d'apporter des éléments d'explication scientifique, celui-là, écoutez. J'ai quelque chose qui t'est destiné. Ton père voulait que cela te revienne quand tu seras en âge de combattre, mais ton oncle s'y est toujours opposé. Owen avait peur que tu partes avec ce fou d'Obi-Wan, tout comme ton père, dans quelques croisades idéalistes et périlleuses. Qu'est-ce que c'est ? Le sabre laser de ton père. C'était l'arme des chevaliers Jedi. Les nouveaux pistolets laser sont bien moins précis. C'est élégant, maniable. L'arme noble d'une époque civilisée. Pendant des centaines de générations, l'ordre Jedi a su défendre et garder la paix et la justice dans l'ancienne République. Bien avant les jours sombres et l'avènement de l'Empire. Voilà, c'est un extrait du premier film, l'épisode 4, Star Wars, réintitulé New Hope, un nouvel espoir après la sortie de la prélogie. Le sabre laser, Roland Le Houx. Un étudiant américain a réussi en 2013, on vous met la vidéo sur le fil Twitter de l'émission, à fabriquer quelque chose qui ressemble confusément à un sabre laser, qui met assez aisément le feu à des balles de ping-pong, donc essayez d'éviter ça à la maison. Ça veut dire que bientôt, on pourra dégainer le sabre laser pour laver les affronts qui nous ont été faits dans le métro battre. Si on utilise la lumière pour avoir des effets physiques sur la matière, c'est tout à fait possible, et particulièrement avec des lasers. On utilise des lasers pour faire de la découpe de métaux dans l'industrie, par exemple. On peut enflammer des balles de ping-pong sans problème, avec des lasers assez puissants. Donc c'est pas du tout ceux qu'on recommande, ceux qui sont en vente libre d'abord, et ceux qu'on recommande d'utiliser sans précaution particulière. Mais là, dans le sabre laser, qui s'appelle light saber en anglais, donc plutôt le sabre lumière, il y a des tas de questions qui se posent. Comment limiter la longueur de la lame de lumière, sachant que la lumière se propage en ligne droite jusqu'à ce que quelque chose l'en empêche, la diffuse, la réfracte, la diffracte, la réfléchisse ou l'absorbe. Et donc ça, la longueur, c'est un peu compliqué. La lumière, ce n'est pas matériel. Donc quand les lames se bloquent l'une l'autre, ça les deux faisceaux lumineux devraient se croiser. Parce que les photons quand, quand vous prenez, voilà, quand vous prenez deux lampes de poche et que vous les mettez face à face, hein, vous les allumez en même temps, ça ne fait pas zdoing au milieu, là où les deux faisceaux lumineux se rendent sauf compte. Sauf s'il y a du son qui est prévu dans la lampe de poche, alors, comme dans le vaisseau spatial, pour que ça fasse. Alors voilà, bien sûr, le zwing, ça on peut l'imaginer. Quand il bouge, d'ailleurs, c'est ce qui est fait dans les pseudo-sabres laser qui sont vendus, des répliques qui sont vendues pour faire comme si c'était un sabre laser et qui d'ailleurs donne un effet visuel tout à fait étonnant. Et puis à l'intérieur, il y a des petits accéléromètres branchés sur un système de son qui font que quand vous bougez le sabre, ça reproduit le son. Et ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est cet engin. On peut estimer l'énergie qui est dégagée par sa lame de lumière. Il y a une scène notamment où on voit Qui-Gon Jinn qui plonge son sabre laser dans une porte métallique qui vient de se fermer, une grande porte, une grosse porte de protection qui vient de se fermer. C'est dans l'épisode 1. Il touille un peu la porte, j'ose dire, et ça fait fondre un gros bout de porte, plusieurs tonnes de métal probablement. Donc sur cette scène, on peut estimer la puissance du sabre laser. Et là, on obtient encore une autre, disons, incompatibilité avec ce que nous saurions faire, ou même incompatibilité, la lumière non matérielle, c'est une incompatibilité physique avec ce que nous savons de la lumière, et une incompatibilité parce que ça nécessite une puissance qui est équivalente à celle dégagée par un réacteur nucléaire. Alors, dans un manche de sabre laser. Ouais. Alors, du coup, il y a plusieurs conséquences. La première, c'est un réacteur nucléaire dans un manche sabre laser. Donc, ça veut dire que c'est pas des piles, entre guillemets, ou une batterie, ou quelque chose qui est dedans. Mais à l'inverse, ça permet de comprendre que peut-être sabre laser, c'est pas un engin à pile, c'est un engin qui en fait convertit une forme d'énergie qui est la force, puisque Obi-Wan Kenobi, dans l'extrait que nous entendions après Skywalker, lui demande à la force c'est quoi ? C'est un champ d'énergie créé par cet être vivant. On va y venir. Et donc du coup, le sabre laser devient quelque chose qui convertit une forme d'énergie, la force, en une autre forme d'énergie, la lumière. Comme un vélo convertit une forme d'énergie, l'énergie chimique de vos muscles, en une forme d'énergie qui est le mouvement, l'énergie de mouvement, l'énergie cinétique du vélo. Et donc, sabre laser devient une machine à transformer la force en lumière. Et qui met cette forme d'énergie particulière dans le sabre laser? Évidemment, les Jedi qui ont accès à la force. Et on peut aussi s'intéresser à classer les Jedi en fonction. On le voit bien visuellement qui est fort, qui est pas fort. On peut citer qui sont les bons et les pas bons. Et bien, on peut les classer en fonction de leur accès à la Force. Objection à cette hypothèse. Réfutation. Des personnes qui ne maîtrisent pas la Force peuvent allumer des sabres laser. Que se passe-t-il, Roland Lehoucq, dans ce cas-là? Ça, c'est désolant. C'est désolant parce que j'étais très content de cette cohérence trouvée. C'est la limite. Et voilà, c'est la limite. Et depuis peu de temps, depuis bien l'épisode sûr. Précédent. Exactement. Depuis l'épisode 7. Le funeste, si j'ose dire, épisode 7, où on voit des newbies qui prennent des sabres laser, qui les allument et qui les font fonctionner, alors que précisément avant, il semblait qu'il fallait avoir une acquaintance avec la Force particulière, d'où qu'elle vienne, et qui permette d'alimenter les sabres laser. Donc là, évidemment, ça fait tomber l'explication. Évidemment, c'est la limite de cet exercice scientifique, c'est que l'œuvre ne cherche pas à être cohérente scientifiquement, bien sûr, mais qu'on peut essayer de lui reconstruire une cohérence dans un certain cadre. Arnaud Grimbert. C'est un exercice intellectuel intéressant. Alors, après, Star Wars se situant dans un univers mythologique, je te provoque, je me demande si finalement vouloir tout expliquer de manière scientifique finit pas par retirer à cet univers sa poésie et une partie de sa force mythologique. Après, ce qui est formidable dans Star Wars et la science, c'est que de toute façon, l'imaginaire et la puissance de l'imaginaire est toujours une superbe porte d'entrée vers les sciences. Quand Star Wars est sorti en 77, l'homme avait déjà marché sur la Lune, et j'ai envie de dire, on en était revenu. La NASA avait beaucoup de mal à communiquer sur ses projets suivants. L'espace a fait rêver, et puis à un moment, n'a plus fait rêver. Et Star Wars, pure rencontre d'astronautes, on refait rêver. Donc, l'imaginaire visuel de ces films a aussi provoqué dans le public et dans la culture de tous les pays aujourd'hui, d'ailleurs, une familiarité avec l'espace, avec des choses qui sont finalement scientifiques, même si elles ne sont pas comprises dans le détail. On sait que Star Trek a suscité des vocations spatiales, notamment en France. Hein, un de nos astronautes que nous avions reçus ici disait, Jean-François Clairvoy, qu'il a voulu être astronaute en regardant Star Trek. Est-ce que Star Wars, aujourd'hui, est selon vous, à même de susciter des vocations scientifiques ou pas du tout ? J'ai pas d'exemple d'amis ou de jeunes gens que je connaîtrais qui auraient été poussés vers les sciences ou motivés ou affirmé son goût pour les sciences en regardant Star Wars. Mais en tout cas, la science-fiction en général a joué à de nombreuses reprises et beaucoup de scientifiques le reconnaissent bien volontiers pour, si ce n'est leur donner le goût des sciences, en tout cas affermir leur goût pour les sciences et une envie de participer à un grand mouvement intellectuel de compréhension du monde à partir des œuvres qui étaient présentées, lues ou cinématographiques. Oui, et un goût pour toutes les choses de l'espace. De toute façon, les regards se sont à nouveau levés vers le ciel et on regardait les étoiles avec un intérêt, une curiosité. Et puis des choses très simples. Finalement, vous avez passé un extrait tout à l'heure de la bande-son du film. Il y a un vocabulaire que Lucas a vraiment pioché très intelligemment dans toutes les sources possibles. Et il y a un vocabulaire qu'il est allé chercher dans la science, qui sont des choses très simples. Une supernova, l'hyperespace, ce sont des mots, le plan de l'écliptique, ce sont des mots qui, pour des enfants de 11 ans, 10 ans, il y a 40 ans, étaient tout à fait inhabituels. Donc quand on avait la curiosité d'aller chercher ce que ça voulait dire, ça y est, on entrait dans la science. Un autre élément que nous allons examiner par le prisme scientifique de la saga Star Wars, mais là qui est en sorte une sorte d'élément constitutif, de brique élémentaire de tout space opéra ou de toute science-fiction intergalactique, c'est celui-là, écoutez. Tiens ton cap, on a deux croiseurs, ils vont essayer de nous prendre en travers. On peut pas les semer, je croyais que ce coucou était imbattable. M'énerve pas petit gars, prends ta pelle et ton seau et va jouer. Il y aura plus de danger dès qu'on passera la barre de l'hyperespace. D'ici là, je vais te montrer comment on les sème. La fête va commencer. Combien de temps passe-t-on en vitesse lumière? Il faut un petit moment le temps de définir les navires composants. Ou quoi, ils gagnent sur nous? Piloter un engin dans l'hyperespace, c'est autre chose qu'une moissonneuse batteuse. Suffit d'un millième d'erreur de calcul et la trajectoire passe à travers une étoile. Puis en frôle une supernova et la tapanade est terminée, petit gars. C'est quoi ce clignotant? Ça indique que le déflecteur est réglé. Allez boucler vos ceintures, on passe la barre de la vitesse lumière. Han Solo et Luke Skywalker qui franchissent la vitesse de la lumière, hein, qui rentrent dans l'hyperespace. On parle de beaucoup de choses, d'hyperespace, d'hyperluminique, de trous de verre, Roland Lehoucq. Ça, c'est vraiment une des briques. Oui, c'est une brique indispensable disons à tout space opéra qui se respecte, puisque bien sûr un space opéra ça a très souvent une ampleur, disons à l'échelle d'une galaxie, en tout cas de multiples systèmes stellaires séparés par des distances absolument considérables. Pensez que si la lumière du soleil ne met que 500 secondes pour nous parvenir, celle de l'étoile la plus proche met 4,4 ans. Et donc tout de suite ça va chiffrer, les durées de voyage vont être extrêmement longues. Donc si on veut pouvoir se rendre d'une planète à l'autre comme on prend l'autobus, il faut bien franchir de passer la barrière de la vitesse lumière, comme disait Solo, aller dans l'hyperespace, une manière de, qu'on comprend qu'une manière de raccourci, une sorte d'espace contigu d'une autre, à côté, on y rentre en faisant quelques efforts, évidemment, et qui permet d'aller d'un point à un autre en une durée qui est beaucoup plus courte que la durée à laquelle on s'attend. Donc ça, c'est absolument indispensable. Et à l'inverse, ça permet aussi de réfléchir sur, finalement, si cet objet a l'air indispensable, prenons le cas d'un grand empire qui a duré longtemps, l'Empire romain. Quelles sont les raisons qui ont permis à l'Empire romain de durer longtemps? Probablement de nombreuses raisons. Moi qui ne suis pas historien, j'en ignore certainement la plupart. Mais une raison que l'on pourrait trouver, c'est qu'ils ont la capacité à projeter leurs légions d'un bout à l'autre de l'Empire en moins d'un mois, soit à marche forcée, soit en naviguant sur la Méditerranée, sur Mare Nostrum. Donc au final, un empire tient sa taille et va être limité par votre capacité à projeter essentiellement vos troupes pour que les séditieux ne fassent pas des plans dans votre dos, en une échelle de temps qui est relativement courte. Et donc on retrouve la même configuration dans Star Wars, dans Star Trek, dans beaucoup d'endroits. Après tout, c'est quand même bien pratique d'aller quasi instantanément d'un endroit à un autre. Ensuite, du point de vue de la physique, évidemment, c'est tout à fait fâcheux parce que on ne peut pas aller instantanément ou plus vite en tout cas que la lumière à d'un endroit à un autre. Alors en plus, il y a des subtilités, c'est-à-dire que si vous vous déplaciez de, par exemple, de la Terre à Alpha du Centaure, l'étoile la plus proche, ou peut-être pas tout à fait la plus proche, c'est Proxima du Centaure la plus proche, mais enfin, oui. Vous franchissiez plusieurs années-lumière de distance avec votre vaisseau, effectivement, en temps terrestre, même à très grande vitesse, très proche de celle de la lumière, vous mettriez plusieurs années, mais si votre vitesse est très proche de celle de la lumière, la durée mesurée par les passagers du vaisseau pourrait être beaucoup plus courte que plusieurs années, pour être quelques mois, voire quelques jours. Et donc, autant le voyage pourrait être relativement court pour les passagers du vaisseau, en durée propre, comme on dit, du vaisseau, autant la durée pour les protagonistes restés sur Terre ou sur la planète, vos amis que vous allez supporter sur la planète lointaine, eux, ils risquent d'attendre longtemps quand même. Oui, ça rend les allers-retours improbables. Exactement. Mais la science-fiction, de toute façon, adore abolir les distances. C'est un topo, ça, Arnaud Grimbert. Hein, combien de films utilisent cette feuille de papier pliée en deux en disant le point le plus court pour aller d'un point à un autre, ce n'est pas une ligne droite, on plie, on fait un trou et hop. Oui, je trouve pas ça la façon la plus heureuse d'ailleurs. Mais bon, c'est une convention dans la science-fiction. C'est plus ou moins exagéré selon les séries, mais voilà, on monte dans son vaisseau spatial comme on monte dans sa voiture. Et ça participe de toute façon à faire rêver le spectateur. La Terre, finalement, a considérablement rapetissé ces dernières dizaines d'années. On a besoin de regarder ailleurs et à nouveau que l'horizon s'éloigne. Ce repli de l'espace-temps, malgré tout, il est prévu théoriquement, Roland Lehoucq, les ponts d'Einstein-Rosen, oui. Les trous de verre. Bien sûr, c'est-à-dire que dans la théorie d'Einstein de la relativité générale, la gravitation n'est plus, comme chez Newton, une force qui agit entre corps massifs, mais c'est une manifestation de la déformation de l'espace-temps imposée par les corps qui s'y déplacent, qui y sont. Les corps massifs, à la fois par leur masse, mais par aussi leur déplacement. Et dans ce cadre-là, l'espace-temps devient, comme dit Einstein, un mollusque, quelque chose que l'on peut déformer. Et si vous êtes capable de provoquer cette déformation, alors vous pouvez, déformer l'espace, réduire les distances et en voyageant à vitesse banale, avoir des durées de voyage très courtes parce que vous avez diminué la distance. Habituellement, quand on dit que l'on veut aller vite d'un endroit à un autre, en réalité, c'est pas vite que vous l'ayez sous-entendu à grande vitesse. Ce qui vous ferait plaisir, c'est d'y aller en un temps court. Mais évidemment, comme la distance est supposée invariable, eh bien, il faut augmenter la vitesse pour que la durée de voyage soit courte. Bon, si vous êtes capable de déformer l'espace-temps, ça veut dire qu'il faut être capable de manipuler des trous noirs, voire de les créer, de les manipuler, de les mettre ici, de les mettre là, de jouer un peu avec. Et pas que des trous noirs au sens de matière ordinaire, mais aussi leur équivalent en une matière qu'on appellerait exotique, dont on n'a aucune trace pour l'instant, dont l'énergie de masse serait négative, vous pouvez créer des structures spatio-temporelles qui sont effectivement des manières de raccourci dans l'espace-temps pour joindre deux points qui habituellement auraient dû être très éloignés ou auraient dû mettre une grande durée de voyage pour les rejoindre. On passe à une autre question centrale que vous avez abordée. Je parlais tout à l'heure dans l'introduction de Mystic New Age. Eh bien, bien sûr, il faut se demander qu'est-ce que c'est que la Force. La Force ? Oui, la Force qui donne au chevalier Jedi son pouvoir. C'est une sorte de fluide créé par tout être vivant, une énergie qui nous entoure et nous pénètre et qui maintient la galaxie en un tout unique. Alors, est-ce que Roland Le Houx a une traduction physique, cette définition que oui, vient alors, d'être donnée d'abord, par... une première chose, on voit que pour faire vrai, pour que ça ait l'air sérieux, il y a des mots de science. Qu'on parle d'énergie, fluide, galaxie, être vivant, des mots qui font référence à des champs scientifiques pour faire science. Donc là, c'est un point intéressant, on pourrait discuter longuement dessus, c'est le vocabulaire utilisé par la science-fiction et par de la même, dans la vie quotidienne, le vocabulaire utilisé en politique, en publicité, enfin dans tout un tas de circonstances qui utilisent des champs lexicaux qui ne leur appartiennent pas pour faire vrai, faire sens, faire marketing, faire cher. On appelle ça le science-washing, par voilà, exemple. Voilà, par exemple, le science-washing. Donc ça permet de discuter cette affaire-là avec encore une fois, ce prétexte de la science-fiction, de Star Wars, mais d'autres films évidemment, ou d'autres œuvres. Ensuite, on peut quand même essayer de donner un sens à ce qui est dit. Alors, Obi-Wan Kenobi nous dit une énergie qui lie la galaxie en un tout unique. Alors, si vous vous dites qu'est-ce qui lie les étoiles et le gaz d'une galaxie, typiquement 150 à 200 milliards d'étoiles pour notre galaxie, puis du gaz, à peu près 10% de masse de la galaxie, de notre galaxie, de la masse lumineuse, c'est du gaz, eh bien c'est la gravitation, la force de gravité. Et vous vous dites, la gravité, est-ce que c'est une énergie? Bien sûr, si vous faites tomber des choses du haut des montagnes et que vous les utilisez pour faire tourner un alternateur, ça s'appelle un barrage hydroélectrique, oui, une centrale hydroélectrique, vous transformez l'énergie de chute due à la gravité en électricité. Donc, vous pouvez dire effectivement, la gravité, c'est un champ d'énergie. Vous pouvez l'imaginer comme un fluide, ce serait une image. Ça lie la galaxie en un tout. C'est créé par les êtres vivants, pas que, évidemment, la matière inerte aussi, créée de la gravité. Et donc, cette phrase vous dit, la force, ça pourrait être la force de gravité ou le champ de gravité. Et puis, quand vous voyez certaines choses qui se produisent dans les films, Skywalker en s'entraînant sur Dagobah, qui soulève R2-D2, qui soulève des pierres, qui soulève des caisses, bref, il a l'air d'utiliser... Qui attire à lui son sabre. Ou qui attire, bien sûr, qui attire à lui son sabre. On pourrait imaginer tout à fait que manipuler la force, c'est manipuler le champ de gravité. Bon, alors ça donne une certaine cohérence à la force. La définition n'est pas terrible. On pourrait dire que la gravité soit avec toi. Ça serait peut-être un peu moins sexy comme expression. En même temps, quand on voit par exemple l'empereur qui veut se débarrasser de Skywalker dans l'épisode 6, il l'électrise. Là, il utilise la force dans un sens, disons, plus électrique, électrostatique. Donc, la gravité et les forces électromagnétiques, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc là, il y a une cohérence. C'est pas la gravité. Mais en même temps, si on dit la force, c'est un champ d'énergie. Si vous disposez de grandes quantités d'énergie et que vous avez les moyens de la transformer, l'énergie chimique en mouvement, la force en lumière, l'énergie de chute en électricité, le noyau des atomes en électricité, etc., l'électricité en lumière. Si vous avez des machines pour faire ça, il suffit de disposer des moyens d'une machine ou le pouvoir des Jedi de transformer une forme d'énergie, la force, en électricité, en gravité, en lumière, en ce que vous voulez, ce que vous pouvez, selon vos besoins. Et donc là, il y a une cohérence qu'on peut trouver. Bon, évidemment, c'est une construction, mais ça permet de discuter, comme physicien et en parlant à un grand public, de qu'est-ce que c'est l'énergie, qu'est-ce que c'est un champ, qu'est-ce que c'est une force. Ce sont des mots qui ont un sens très précis en physique et qui, là, évidemment, sont employés au quotidien, on va dire, dans Star Wars, pour pas dire pire, mais qui permet de discuter de ces termes-là et d'essayer de donner une cohérence à l'œuvre. Lucas disait, hein, je le mentionnais tout à l'heure, avoir été inspiré au moment de l'écriture du scénario de Star Wars dans les années 70 par la notion d'intrication quantique entre les particules pour créer la force. Est-ce que la force, ça pourrait être de l'intrication quantique, Roland? Alors, il faudrait déjà que les particules soient créées ou que les Jedi soient intriqués quantiquement, mais dès qu'ils interagissent, ils perdent l'intrication. Bref, oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Je peux comprendre. Qu'est-ce que c'est que l'intrication? L'intrication quantique, c'est l'idée que l'on peut produire un ensemble de deux particules, deux objets physiques, deux particules ou deux photons, dans une situation particulière, ou même si ces deux objets semblent très éloignés l'un de l'autre, plus éloignés que la possibilité qu'ils aient de communiquer, de s'informer de leur état mutuel, eh bien, vous pouvez, en chatouillant l'un, faire rire l'autre, si j'ose dire, c'est-à-dire en mesurant une propriété de l'un, obtenir une propriété corrélée pas forcément la même, ils ont corrélé que si vous mesurez A, vous mesurez toujours B, si vous mesurez B, de l'autre côté, vous mesurez toujours A, de façon, semble-t-il, instantanée. En fait, cela revient simplement à dire, du point de vue de la physique, qu'il faut abandonner ce qu'on appelle l'hypothèse de réalisme local, l'idée qu'une particule ne va être influencée que par les choses qui sont autour d'elle. On peut créer des systèmes, même de grande taille, de deux objets qui sont corrélés entre eux, intimement corrélés entre eux, donc c'est une, il faut faire une particularité de préparation, mais de sorte où c'est ça, si vous chatouillez l'un, l'autre va toujours rire, et réciproquement, et ça se passe de manière automatique, alors qu'il ne peut pas, ils ne peuvent pas s'informer, celui qui est chatouillé n'a matériellement pas le temps d'informer l'autre qu'il doit rigoler. C'est ça l'astuce de l'intrication. Bien voilà, ce que c'est de faire de la science avec Star Wars, c'est comprendre en quelques minutes l'intrication quantique grâce à Roland Lehoucq. On arrive à la fin de cette émission, je ne vais pas évoquer les midi-chloriens au risque de me faire caillasser par les fans de Star Wars à la sortie de ce studio. Peut-être pour conclure, puisque donc le huitième épisode vient de sortir, il y a donc les spin-offs, c'est-à-dire les films dérivés de l'histoire originale, dont Rogue One qui est sorti l'année dernière. Il y a le prochain qui sera consacré à l'histoire de Han Solo qui va sortir l'année prochaine. Il va y avoir le neuvième épisode. On a l'impression que cette franchise est strictement inépuisable. Ma question sera la suivante, Roland Lehoucq et Arnaud Grimbert. Est-ce que peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, on ne pourra, peut-être qu'on pourra un jour, futur, prochain, non plus faire de la science avec Star Wars, mais en avoir marre de Star Wars, Roland Lehoucq? Oui, c'est bien possible. Il y a un risque réel que ça épuise les gens, que ça les fatigue, ils en aient marre, évidemment. Bon, ben, j'imagine que tant que les gens sont contents, tant que les spectateurs sont là, il n'y a pas de raison, j'imagine, pour les grandes franchises de s'arrêter. Mais il y a effectivement la possibilité de tirer un peu trop fort sur la corde pour que à la fin, elle se rompe. Oui, un épisode tous les ans, quand ce n'est pas deux épisodes, effectivement, ça fait quand même un rythme très soutenu. Une partie du succès, je pense, sur le long terme de Star Wars, était due aussi au fait qu'il y avait 3 ans entre chaque épisode. Donc voilà, il y avait un désir qui naissait par le manque chez les spectateurs, et ce désir très fort était une des raisons du succès, et nourrit encore, je dirais, le côté nostalgique, parce qu'il y a une dimension nostalgique aussi au succès de Star Wars aujourd'hui. Pour tout à fait conclure cette émission, qui a parlé de Star Wars, je vais vous demander un conseil qui ne soit pas Star Wars aujourd'hui, si on veut aller revigorer son imaginaire de science-fiction ou de space opéra, où est-ce qu'il faut aller, que ce soit en littérature, en cinéma, un conseil à Arnaud Grimbert dans les sorties récentes, dans quelque chose qu'on pourrait aller voir quand on veut oublier Star Wars et penser à autre chose? En fait, sur les gros blockbusters de l'année, qui d'ailleurs n'ont pas rencontré un grand succès pour la plupart, j'ai été assez surpris par Passengers, qui est un film très joli et qui pour le coup avec Chris Pratt et... voilà, qui lui pour le coup parle de science et réintroduit la notion de dimension dans l'espace et des distances très grandes. J'ai trouvé ce film intéressant, injustement décrié. Roland Lehoucq. Alors, je vais plutôt parler de science-fiction littéraire. Alors, j'ai plus idée de la date de sortie, mais c'est il n'y a pas très longtemps. D'abord, je mettrai l'accent sur un auteur français qui s'appelle Laurent Genefort, qui est un des représentants qui porte haut l'étendard du space opéra en France, et notamment sur un de ses derniers romans qui s'appelle L'Humaine, qui est plutôt un planète opéra. Ça se passe sur une planète très particulière et qui est un roman extrêmement intelligent parce qu'il présente une façon de présenter de manière très originale une intelligence extraterrestre. Et puis on peut citer le cycle d'Aumale, l'excellent cycle d'Aumale de Laurent Genefort. Bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Roland Lehoucq, Faire des sciences avec Star Wars, c'est aux éditions du Bélial, réédité récemment et puis encore une fois pour de nombreuses années manifestement. Merci Arnaud Grimbert. Star Wars, objet du mythe, c'est un très beau livre chez Hachette et la Bible que je citais tout à l'heure, Génération science-fiction de Flash Gordon à Matrix, c'est aux éditions Rajlon, tous les deux coécrits avec Patrick Giraud. Merci messieurs d'avoir répondu ici présent à l'invitation. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lausanne, Hugo Bartholomé, Noémie Naguette, Saint-Villefranc, Antoine Beauchamp, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Louis Deloncle à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture, dans quelques instants, le magazine de la rédaction de Barcelone à Bruxelles, le combat des indépendantistes catalans, c'est un magazine signé Annabelle Grelier. Et puis tout à l'heure, ne ratez pas le 18-20 spécial Grain à Moudre plus la dispute, ce sera en direct et en public du Bel Air à la Maison de la Radio autour des questions de politique culturelle. Pour ce qui nous concerne, eh bien la semaine prochaine, c'est le camarade Michel Alberganti qui prend les rênes de la méthode méthode scientifique. Il vous parlera de cholestérol lundi, de matière noire mardi, de l'énergie hydrogène mercredi, des 50 ans de l'INRIA jeudi, et table ronde actualité des sciences et de la recherche vendredi. Moi, je vous retrouve à partir du 25 décembre pour une semaine spéciale consacrée aux grands explorateurs scientifiques. Très bon week-end. À lundi, à la méthode scientifique, et à dans 15 jours, à l'antenne.